Mon Dieu, que votre amour, en vrai tyran, agit, et qu'en un trouble étrange il me jette l'esprit, que sur les cœurs il prend un furieux empire, et qu'avec violence il veut ce qu'il désire. Quoi ? De votre poursuite, on ne peut se parer, et vous n'aurez pas le temps de respirer. Sait-il bien de tenir une rigueur si grande, de vouloir sans quartier les choses qu'on demande, et d'abuser ainsi, par vos efforts pressants, du faible que pour vous, vous voyez qu'ont les gens ? Mais, si d'un œil bénin, vous voyez mes hommages, pourquoi m'en refuser d'assurer témoignage ? Mais comment consentir à ce que vous voulez, sans offenser le ciel, dont toujours vous parlez ? Si ce n'est que le ciel qu'à mes voeux on oppose, lever un tel obstacle est à moi peu de chose, et cela ne doit pas retenir votre cœur. Mais des arrêts du ciel, on nous fait tant de peur. Je puis vous dissiper ces craintes ridicules, madame, et je sais l'art de lever les scrupules. Le ciel défend, de vrai, certains contentements, mais on trouve avec lui des accommodements. Selon divers besoins, il est une science d'étendre les liens de notre conscience et de rectifier le mal de l'action avec la pureté de notre intention. De ces secrets, madame, on saura vous instruire. Vous n'avez seulement qu'à vous laisser conduire. Contentez mon désir, et n'ayez point d'effroi. Je vous réponds de tout, et prends le mal sur moi. Vous toussez fort, madame. Oui, je suis au supplice. Vous plaît-il un morceau de ce jus de réglisse ? C'est un rhume obstiné, sans doute, et je vois bien que tous les jus du monde ici ne feront rien. Cela, certes, est fâcheux. Oui, plus qu'on ne peut dire. Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assuré ici d'un plein secret, et le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense, et ce n'est pas péché que pécher en silence. Elmire, après avoir encore toussé. Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder, qu'il faut que je consente à vous tout accorder, et qu'en moins de cela, je ne dois point prétendre qu'on puisse être content et qu'on veuille se rendre. Sans doute, il est fâcheux d'en venir jusque-là, et c'est bien malgré moi que je franchis cela. Mais puisque l'on s'obstine à m'y vouloir réduire, puisqu'on ne veut point croire à tout ce qu'on peut dire, et qu'on veut des témoins qui soient plus convaincants, il faut bien s'y résoudre et contenter les gens. Si ce contentement porte en soi quelque offense, tant pis pour qui me force à cette violence. La faute, assurément, n'en doit pas être à moi. Oui, madame, on s'en charge. Et la chose de soi, ouvrez un peu la porte et voyez, je vous prie, si mon mari n'est point dans cette galerie. Qu'est-il besoin pour lui du soin que vous prenez ? C'est un homme entre nous, amené par le nez, de tous nos entretiens, il est pour faire gloire, et je l'ai mis au point de voir tout sans bien croire. Il n'importe, sortez, je vous prie un moment, et partout là-dehors, voyez exactement.